Chapitre 11e. Après son explication avec Piebald, Edward Clams, sa femme au bras, était allé s'enquérir de ses bagages, qui devaient le suivre, puis étant descendu à terre, avait pris place dans un compartiment du Calais Méditerranée, arrêté le long du quai. Monsieur Edward Clams paraissait d'excellente humeur. Son court mais définitif entretien avec le pseudo-lieutenant Wilfrid Moresby n'avait en rien altéré son contentement. Ayant installé sa jeune femme dans un angle du compartiment contre la fenêtre, il redescendit sur le quai et alluma un cigare. Le long du train, c'était une agitation furieuse. Parmi les brouettes chargées de bagages, voyageurs et curieux se pressaient, s'interpellaient, se heurtaient. Des employés de la compagnie des wagons-lits échangeaient des papiers avec ceux des messageries maritimes. Des douaniers naient à mesure les marques inscrites sur les colis chargés dans le fourgon du train. Peu à peu, cependant, le calme revenait. Bientôt, seuls restèrent sur le quai les amis des partants et quelques voyageurs, de ceux qui ne montent en wagon qu'au dernier moment. Des appels retentirent, annonçant le départ. Un coup de trompette, un sifflet, et lentement le convoi s'ébranla. En quelques minutes, il eut traversé les docks et gagné la ligne de Paris, où il prit de la vitesse. Edward Clams, qui était resté sur le quai jusqu'au départ, il voulait s'assurer que Piebald ne prenait pas le train, avait regagné son compartiment. Sa femme n'y était plus seule. Un gros homme, en qui tout indiquait l'origine levantine, paupières lourdes, teint basané, lèvres énormes, s'était installé face à la voyageuse. Un nouveau riche, certainement. À en juger par le mauvais goût de son accoutrement. Bottines rouges, complet gris clair, cravate jaune et bleue, où était piqué un gros diamant. Et aux doigts, des bagues, des anneaux suffisamment forts pour y amarrer un cuirassé. L'une d'elles, surtout, attirait les regards, avec son chaton gravé, gros comme une noisette. Un chapeau melon, couleur havane, comme l'on est habitué à en voir sur les champs de course, complétait sa grotesque silhouette. Un bras lourdement appuyé à l'accoudoir, il regardait à travers la vitre le paysage marseillais, pins et usines de tuiles qui défilaient devant ses yeux. Edward Clams avait allumé un nouveau cigare lorsque le garçon du wagon-restaurant apparut à la porte du compartiment pour prévenir les voyageurs, désirant se réconforter, que le petit déjeuner était servi. Bien qu'il fût plus de 9 heures du matin, la plupart des passagers de l'Australian n'avaient encore rien pris, absorbés qu'ils avaient été par leurs préparatifs de débarquement. Aussi, de presque tous les compartiments, des voyageurs sortirent. Edward Clams, lui, avait déjeuné à bord du paquebot. Galamment, il se pencha vers sa jeune femme. « Vous avez faim, Julia ? » demanda-t-il. « Un petit peu. Je mangerai bien quelque chose, dear, » murmura-t-elle. Clams se leva, lui offrit son bras. Ils gagnèrent le couloir, suivis presque aussitôt par le gros levantin. Le wagon-restaurant était presque plein. Clams et sa femme durent prendre place à la même table que leurs compagnons de compartiment. En dépit de ses apparences, celui-ci était fort aimable. Il se montra plein de prévenance envers Madame Clams, lui passant la carte, s'effaçant pour que le garçon pût plus facilement la servir. Il ne devait pas parler anglais, car ce fut en un sabir composé de français et d'italien qu'il s'adressa à Teddy à plusieurs reprises, pour lui demander le sel ou le sucre. Quoi qu'il eût peu mangé et eût achevé bien avant les époux, il attendit patiemment qu'ils se levassent afin de ne pas les déranger. Teddy et sa femme, leur addition réglée, regagnèrent leur compartiment. Leur compagnon les y suivit et se rassit en face de la jeune femme. Le train, le tunnel de la Nerthe dépassé, roulait à 100 à l'heure le long de l'étang de Berre. Des murmures s'entendirent dans le couloir. Un aéroplane. De nombreux voyageurs coururent coller leur visage aux vitres pour essayer de voir l'avion. Edward Clams, son cigare en bouche, il ne l'avait pas allumé, ne bougea pas. Il se sentait lourd et las. Sa femme, appuyée contre son épaule, rêvait, les yeux sans regard. Le levantin, ou paraissant tel, se leva sans hâte, alla contempler l'avion et reprit sa place. À plusieurs reprises, il consulta son chronomètre d'or, puis se levant encore, ressortit du compartiment. Il n'y revint qu'une dizaine de minutes plus tard. Edward Clams, qui rêvassait, à moitié éveillé, le vit de nouveau et à plusieurs reprises regardait sa montre. Ce geste dut paraître grotesque à Teddy, car il éclata de rire, d'un rire étrange, presque sans timbre. Le levantant, loin de s'en offusquer, resta impassible. Et presque aussitôt, il tira de nouveau son chronomètre de sa poche. Le rapide maintenant roulait à travers la croix, à plus de 100 à l'heure, ses roues produisant un ronflement continu qui se mêlait au tremblement des vitres et à la palpitation des boiseries. Teddy ne bougeait plus, comme hébété. Sa femme, inerte, affaissée contre son épaule, paraissait dormir. Bien que le soleil, à travers la fenêtre du compartiment, projetât ses chauds rayons sur leur visage, elles y étaient complètement insensibles. Un brusque tressaillement, par moments, indiquait seul qu'ils vivaient. Une formidable secousse soudain fit tressauter le train tout entier, projetant les voyageurs les uns sur les autres, précipitant pêle-mêle les bagages hors des filets. De tous côtés, des cris, des appels retentirent, cependant que les freins grinçaient et que le convoi ralentissait. De nouvelles secousses, moins violentes, mais encore très fortes, agitèrent le rapide, dont les wagons, pendant quelques instants, semblèrent danser sur la voie. Dans les compartiments, les voyageurs reprenaient leur équilibre et aidaient les femmes à se relever. Il y avait de nombreux blessés qui avaient reçu sur la tête ou sur le corps des sacs de voyage ou des cantines arrimées dans les filets. Le train s'immobilisa. Il était en rase campagne, en pleine crau. De chaque côté de la voie, une ligne de cyprès, derrière lesquels l'immense plaine caillouteuse s'étendait à perte de vue. De tous les compartiments, des flots de voyageurs se ruèrent dans les couloirs, en dépit des recommandations des contrôleurs qui conseillaient à chacun de rester à sa place. Mais qui les écoutait? En quelques secondes, les voyageurs eurent envahi la voie ferrée, et ils purent se rendre compte du désastre. Le fourgon de queue, renversé, éventré, ruiné, flambait comme une meule de foin. Parmi les flammes, le corps inerte d'un employé de la compagnie gisait, les jambes pendant entre deux énormes malles qui brûlaient elles-mêmes. Il devait être mort car il ne bougeait pas. Le chef de train, qui était indemne, courait déjà en arrière du convoi pour aller poser des pétards de sécurité. Les voyageurs, cependant, s'étaient précipités vers le fourgon. Courageusement, plusieurs d'entre eux s'offrirent à aider les deux contrôleurs qui, s'étant glissés entre le fourgon et le wagon qui le précédait, s'efforçaient de séparer le convoi du véhicule en flammes. Aveuglés par les flammèches, suffoqués par la chaleur, ils eurent rapidement décroché les chaînes de sûreté et dévissé le tuyautage des freins, et s'attaquèrent à la barre d'attelage elle-même. Autour du wagon renversé, d'où les flammes arrivées par le Mistral ronflaient furieusement, les voyageurs immobiles regardaient. Certains reconnaissaient leur mal à mesure que l'incendie les dévorait, et des exclamations en toute langue, anglais, français, italien, retentissaient. Les femmes surtout se montraient désespérées. Le grondement strident de la vapeur s'échappant par la soupape de sûreté de la locomotive couvrit soudain cris et exclamations. Teddy et sa femme étaient toujours dans leur compartiment. Le choc les avait fortement secoués, mais sans les renverser. Aidés de l'obligeant levantin, ils avaient repris leur place, sans mot dire, comme des êtres complètement hébétés. Leur compagnon, ayant replacé dans le filet le sac de voyage de Madame Clamps, avait, une fois de plus, regardé sa montre, puis était allé se pencher à une des fenêtres du couloir maintenant désert. Sa face s'éclaira tout à coup. Il apercevait, arrivant sur la route de Miramas, une auto grise, toute badigeonnée de poussière. Il poussa un soupir de soulagement. L'auto se rapprochait avec une rapidité fantastique. Mais qui faisait attention à elle? Les voyageurs n'avaient Dieu que pour le fourgon qui continuait à flamber. Ils l'auraient vu pourtant si à ce moment les contrôleurs du train ne les eussent fait passer tous du côté opposé, car à contre-voie l'express de Lyon allait passer. Les voyageurs refoulés sur la gauche du rapide ne purent donc voir l'auto grise, car la route sur laquelle elle roulait se trouvait précisément à droite de la voie ferrée. Le levantin, ayant tiré un mouchoir de soie rouge de sa poche, l'agita à bout de bras. Derrière lui, un homme surgit dans le couloir et le toucha à l'épaule. Il se retourna. Le nouveau venu, qui était affublé d'un ample manteau gris et d'une casquette de grosse laine, eut un rire satisfait. « Ça y est » souffla-t-il après un regard à la ronde. « Juste à l'endroit convenu. « Mes compliments, Piébal, là tu es... pas de nom ici. Voilà notre ami d'ailleurs. Et ça va? Ils sont bien dopés, drogués. Comme des lords d'Angleterre, et ils n'y ont rien vu. Ce Teddy n'est pas si malin que ça. Méfions-nous. Mais voilà l'auto. Dépêchons, charge-toi de Teddy malgré tout. J'ai peur qu'il ne me reconnaisse. Je vais m'occuper de la femme. Prends aussi son sac de voyage, il peut contenir des choses intéressantes, si c'était des perles. Ça va. L'auto, qui avait beaucoup ralenti, n'était plus qu'à une centaine de mètres du convoi. Piébald et son compagnon, s'étant penchés à la fenêtre du wagon, firent signe à Argoulian de s'arrêter devant la portière placée à l'avant du véhicule. Puis ils pénétrèrent dans le compartiment où Teddy et sa femme étaient restés. Piébald, ayant empoigné de la main gauche le sac de voyage marqué EC, qui lui désignait son complice, saisit de sa main libre le bras de la femme de Teddy. Il la souleva brutalement et l'entraîna vers le couloir. La pauvre créature poussa un faible gémissement et sans protester suivit son ravisseur. Le Levantin, lui, eut une brève hésitation. La massive carrure de Teddy lui en imposait. Il regarda le géant bien en face. Edward Clams, quoiqu'il eût les yeux ouverts, ne sourcilla pas. Il était inconscient. Le gros homme passa son bras sous celui de Teddy, le souleva, et non sans peine l'attira vers le couloir. Edward Clams se laissa faire. Titubant, trébuchant, se heurtant aux parois, il fut entraîné par le Levantin. Tous deux, en peu d'instants, atteignirent la porte de sortie du wagon, qui était restée ouverte. Le gros homme n'en pouvait plus. Il suait à grosses gouttes, il haletait. L'effort qu'il avait fourni pour amener Teddy jusque-là l'avait épuisé. Il vit Piébald qui, debout sur le marchepied de l'auto dans laquelle il avait déjà installé la jeune femme, lui faisant signe de se hâter. Brutalement, il précipita Teddy au dehors. Edward Clams étendit d'instinct les mains en avant. Il déboula sur le marchepied et s'abattit sur la voie. Le Levantin d'un saut le rejoignit. Il se baissait pour l'aider à se relever, lorsque Teddy, se redressant seul, poussa un hurlement de fauve et, comme dégrisé, fonça sur lui.